Je crois que je suis fou. Baby, je deviens, parano. J'ai trop charbonné, je suis dans le fou. Nanana, je deviens fou. Nanana. Voilà mon pilo, je suis dans le coin. Dis-moi si tu voulais combien. Je t'envoie un son pop, mais papa ton rap. Je casse une gestuelle nerf sur du Oti Bop. Anna Montana, Détana, Détana. Je me déplace que s'il y a des tales. Paris ABX, faut charger le cofio. Mets tous les bocaux dans le polo. Tu seras Paris, avec tes pronos. Les anges en les chiffres du loto. Je suis dans l'automatique, faut que la manuelle. Naturellement, je t'enseigne mon visuel. Maman, t'inquiète pas. Je rentre un peu tard, on est samedi soir. Non, je vais pas danser, je vais finir devant de la cam dans les résoirs. Moi, samedi soir, moi, je vous.